Je voudrais un café. Pardon? Est-ce que je pourrais avoir un café? Je voudrais une carafe d'eau. Pardon? Est-ce que je pourrais avoir une carafe d'eau? Je voudrais du sucre. Pardon? Est-ce que je pourrais avoir du sucre? Je voudrais un peu de lait. Pardon? Est-ce que je pourrais avoir un peu de lait? Je voudrais une autre cuillère. Pardon? Est-ce que je pourrais avoir une autre cuillère?